Ceux qui se confient à l'Éternel est haut. Ils seront la tête et non la queue haut. Car celui qui nous a aimés avec qui le monde est haut. Amen. Considéré, ma famille m'avait rejeté, humilié, abandonné. Il pouvait porter son regard si moi et au sein de ce monde, malgré mes défauts, tu m'as façonné, mon poté. Tu m'as aimé, mon papa, tu m'as choisi. Mon père pensait que ma maman m'avait inventé pour accompagner les autres, accompagner Basusue. Nani a koka ki kondi mae, oyo bombe la kamae. Si a changé ma vie, transformé ma vie. Si a façonné ma vie, bouleversé ma vie. Arrivé à Kinshasa, je suis devenu mendiant. Qui dormait dans les rues, chantait dans les deuils. Abandonné, humilié, condamné, à ne jamais résider à la vie. Nakoko mamode, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Voilà enfin l'un des pères, devenu à Yesu. Oh, la caca, ma papa, et l'on a simbi na ma papa, et qui pouvait m'aider.